Ça se fait pas de laisser mourir un joint. Ça se fait pas de laisser moisir son pain. Ça se fait pas de parler sur ma mère. Ça se fait pas de parler sur mon derrière. Ça se fait pas de l'ouvrir dans d'autres des gens. Ça se fait pas de vouloir monter son clan. Ça se fait pas de vouloir faire son chien comme un rastèque ou un politicien. Ça se fait pas de voter pour Sarko comme ça se fait pas de paniquer un vélo. Ça se fait pas de devenir alcoolique comme ça se fait pas d'esclavagiser l'Afrique. Ça se fait pas de gerber sur ton pote comme ça se fait pas de pas prendre de champotte. Ça se fait pas de se faire exploser la tête comme ça se fait pas de pas faire tourner la paix. Ça se fait pas de faire un son comme ça. Ça se fait pas d'être con comme toi. Ça se fait pas de sauter de joie sans Sarko fait caca. Ça se fait pas de vendre des armes au Rwanda. Ça se fait pas d'en acheter pour la guérilla. Ça se fait pas de prendre de leur amplat. Rien ne fout un bon pour mettre de kianja. Ça se fait pas de pas partager son pétard comme tous ces connards qui renient l'origine de l'art. Ça se fait pas de faire demande à part. Ça se fait pas dire ça se fait pas quand on est anard et qu'on marche au pourvoir. Ça se fait pas de gouverner comme ça se fait pas de mentir. Ça se fait pas de mendier quand on se balade en tir. Ça se fait pas de vendre du shit coupé comme ça se fait pas d'exploiter. Ça se fait pas de maudire, ça se fait pas d'être rancunier. Ça se fait pas de voler les moyens tu peux te les procurer également en sachant partager. Ça se fait pas laisser voler des personnes âgées. Ça se fait pas t'inquiète je plaisantais. Ça se fait pas, ça se fait pas. Le monde est cuit et de pire en pire. Et aussi ça se fait poil à frire. T'inquiète ça, ça fait bien rire. Mais c'est tout de même une bonne façon d'écrire. Ça se fait pas de faire un son comme ça. Ça se fait pas d'être con comme toi. Ça se fait pas de sauter de joie sans Sarko fait caca. Ça se fait pas de vendre des armes au Rwanda. Ça se fait pas de l'acheter pour la guérilla. Ça se fait pas de vendre de leur amplat. Rien ne fout un bon pour mettre de kianja. De ne pas aller travailler, de ne pas vouloir s'exprimer, de ne pas fumer, de rouler, de ne pas vouloir voyager, de vouloir te faire une pute quand t'as envie d'une petite turlute. D'avoir un instinct destructif, d'avoir un destin constructif, d'aimer la vie comme tu l'as kiffé, de ne pas être instructif, de vouloir faire chacun pour soi, de vouloir faire n'importe quoi, de pas vouloir fumer de kianja, tout ça, ça se fait pas. De regarder quelqu'un crever et de ne pas vouloir l'aider, de vouloir cette société qui ne fait que nous enfermer, de ne pas renvoyer la balle, de pas manger quand t'as la dalle, de ne pas aimer la musique et de kiffer quand tu te piques, d'être d'accord avec l'Amérique, d'avoir envie de te faire du fric, d'avoir envie de fruits, des boîtes, pas écouter Metallica, écoutez-moi quoi qu'il en soit, tout ça, ça se fait pas. Ça se fait pas de faire un son comme ça. Ça se fait pas d'être con comme toi. Ça se fait pas de sauter de joie sans Sarko fait caca. Ça se fait pas de vendre des armes au Rwanda. Ça se fait pas d'en acheter pour la guérilla. Ça se fait pas de vendre de leur amplat. Rien ne fout un bon pour mettre de kianja. Ça se fait pas de faire un son comme ça. Ça se fait pas d'être con comme toi. Ça se fait pas de sauter de joie sans Sarko fait caca. Ça se fait pas de vendre des armes au Rwanda. Ça se fait pas d'en acheter pour la guérilla. Ça se fait pas de vendre de leur amplat. Rien ne fout un bon pour mettre de kianja.